bien, je suis ton ami. J'ai encore un train dans une heure d'ici. Là-bas, dans la pluie et le froid, tu dois avoir besoin de moi. Ne reste pas seul à Cherbourg avec un tel chagrin. La pluie.